Souder, parce que ça prend de la grosse soudure à la torche. Oh. Pour souder ça, ça a plombé. Ça a plombé. Je vais essayer ça. Thank you. vais garder un petit joint, mais fuck off. Comme tu veux. Non, c'est ça. Surtout en pratique, je pense qu'on va. Oui. Et solo. On va essayer des affaires. Thank you. Thank you. Thank you. fin de chaque semaine.